Je pèle de tout, je pèle des doigts. Je pèle de tout, je pèle des doigts. Je pèle des mains, je pèle de tout, je pèle des doigts. Bientôt je pèlerai de la queue. Est-ce que ça ira mieux? Putain, quelle année de merde. Les couilles qui s'en ont mêlé, les couilles ont grossi, se sont multipliées, les couilles, ah putain, après, les dents, putain, tu jouis, après le Covid, tu en passes une sacrée république, le Covid de merde quand il est bien là, oui, quand il te fait souffrir, pas celui-là qui ne se voit pas, non, celui qui te fait jouir, 2 semaines de temps, 2 semaines où t'es vraiment dans les champignons, putain de merde, putain, mais quelle vie de merde, putain, mais c'est quoi cette vie de merde, putain, mais c'est quoi cette vie de merde, mais de merde, je pèle des mains, bientôt ça sera des couilles. Est-ce que ça ira mieux quand je pèlerai la queue? Ah oui, c'était ça plutôt. Le refrain, voilà. C'était « Est-ce que ça ira mieux quand je pèlerai de la queue ?» Pan, ratata, ratata. Je lui pèterai bien son vagin, mais elle ne veut pas. Je lui pèterai bien son gros cul, mais elle ne veut pas. Je lui pèterai bien, je lui boufferai bien les seins. Et son clito, si elle voulait, je lui défoncerai. Pan.